C'est ainsi que les petites Michues quittent le pensionnat de Mademoiselle Herpin. Elles sont ravies d'être libérées des études, du réfectoire et du dortoir, et aussi à la perspective d'échanger dès demain contre de jolies toilettes, leurs uniformes de pensionnaires qu'elles portent encore ce soir et qui d'ailleurs leur vont délicieusement bien. Aristide admire le double objet de ses amours et se sent très heureux. Mais monsieur et madame Michu ne se mêlent pas au bavardage des trois jeunes gens. Oh non ! Ils se contentent de soupirer en échangeant des regards navrés. Sur leur ordre, Aristide seul regagne la crèmerie. Et à la grande surprise des enfants, la voiture, sous la direction du soldat Bagnolet, continue sa route vers l'hôtel particulier du général Marquis des Ifs. Arrivons les premiers. Nous pénétrons dans un beau salon ouvrant sur une vaste galerie. La première personne que nous apercevons, c'est le neveu de Mademoiselle Herpin, ce jeune et charmant capitaine Gaston Rigaud, qui, si gentiment, a su embrasser Blanche-Marie Michu. Il se tient auprès du général des Ifs, qu'entourent de nombreux invités une coupe de champagne. Messieurs, je vous remercie. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter le capitaine Gaston Rigaud, mon neveu, mon ami et bientôt mon gendre. Oh. Mes chers amis, si vous voulez faire un tour dans les jardins en attendant la réception, qui aura lieu tantôt à l'occasion des fiançailles de ma fille, j'aurai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Irène des Ifs. Restez avec moi, capitaine Rigaud. Eh bien, pressé, hein? Oh, mon général... Ah, si, j'ai pressé. Ne vous en défendez pas. Désireux de connaître votre fiancé, de l'épouser, de l'emmener. Ah, je comprends ça. À votre âge, moi, j'étais un volcan. Enfin, bientôt, vous allez être casé. Est-ce que mademoiselle Desif... Je l'attends avec Bagnolet. Cet animal-là n'en finit pas. Je l'attends. Fameuse émotion pour un père. Une fillette que je n'ai jamais vue. C'est vrai. Je vous ai raconté... Obligé de filer en 92, avant sa naissance, Coblence, la Suisse, l'Angleterre, et ce que c'est. Mais ça ne m'allait pas, l'immigration. M'en fiche-moi, les titres et les parchemins. Rentrer en France pour offrir mon épée à mon pays. 17 ans de campagne et de bataille, tenez, c'est la vie, ça. Pas de temps de songer aux douceurs de la paternité. C'est égal, ça fourmille tout de même l'idée que tout à l'heure... Ce sacré Bagnolet qui n'arrive pas. S'il n'est pas ici dans 10 minutes, je le flanque à la salle de police. Oui, mais reste à savoir si j'aurai le don de plaire à la fille de mon général. À quoi le don de plaire? Qu'est-ce que vous me fichez là? Vous me plaisez, ça me suffit. Le devoir de la fille d'un soldat est l'obéissance, obéissance passive. Je ne connais que ça. À propos, j'ai vu l'empereur. L'empereur? Je lui ai dit... « Sire, je marie ma fille au capitaine Rigaud !» Il m'a répondu, « Parfait, la France a besoin d'hommes. » Et il a ajouté, « Je signerai au contrat. » « Sa Majesté me ferait cet honneur ?»« Ah, elle vous le fera, mais au train, on va se clamper de Bagnolet. Vous avez le temps de courir jusqu'aux Tuileries pour remercier l'empereur. Moi, je vais retrouver mes invités. » Passez devant! Oh, mon général! Ah, comme capitaine, vous devez me suivre à Saint-Pa, mais comme gendre, ça n'a pas encore été prévu par le règlement militaire. Alors, arche! Un sacré mille tonnerres de Bagnolet! Le ferai figuer, moi, le ferai figuer! Arrivez, les émichus! Oui, oh, nous voilà militaires. Non, ne brusquez point. Mais je ne brusque pas. Je vous dis, arrivez tous les quatre. Vous marchez comme des tortues. Allez, mais asseyez-vous. Je vais prévenir mon général, que vous êtes là. Général? Oui, et vous devez raconter votre histoire, à dormir debout. Nous verrons s'il comprend quelque chose. Et vous savez, c'est de la poudre, mon général. Du salpêtre. Et pif, et pouf, et flan. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Oui, j'espère que vous allez nous expliquer pourquoi ce départ précipité de la pension sous la conduite d'un soldat. C'est arrivé chez un général dont nous n'avons jamais entendu parler. Puis enfin, cet air troublé, ce visage à l'envers. J'ai l'air troublé? Oh oui, papa. J'ai le visage à l'envers? Oui, maman. Mes enfants, si vous saviez. Oui, si vous pouviez vous douter. De quoi s'agit-il? Vous nous faites bouillir. Si vous croyez que c'est facile à dire, voilà. D'un instant à l'autre, il peut se produire un grand changement dans notre existence à tous les quatre. Hein? Oui, qu'est-ce que vous diriez si nous étions forcés de nous séparer de l'une de vous deux? Nous séparer? Ou enfin, nous séparer n'est pas le mot. Nous quitter pour toujours seulement, quoi. Oh mon Dieu! Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, nous disions ça. Oui, comme nous avions dit autre chose. Oui, tout ça n'est pas naturel. Moi, je veux que vous vous expliquiez. Et tout de suite. Oh mon Dieu! Mes enfants, écoutez. Oh! Attends, là le militaire avec le général. Oui, et nous n'avons encore eu le temps de rien dire. Il ne faut pas qu'ils les voient avant que nous les ayons prévenus. Nous voyons ces petits tous les cachés. Ah, là, tiens, toi, Blanche-Marie, entre à gauche. Non, si, je t'en prie. Et toi, Marie-Blanche, allez à droite. Oh, ça s'est... Oh, il était temps. Eh bien, Magnonet, tu as amené ma fille? Oui, mon général, enfin, c'est-à-dire que c'est les émissus que ça regarde, oui, c'est... Oh, j'aime autant ne pas être là, je file, moi. Alors, c'est vous les nourriciers? Oui, mon général. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air commode. J'en ai froid et chaud en même temps. Alors, avancez à l'ordre. Voilà le moment terrible. Mes jambes flambent. Vous avez l'air de braves gens. Oui. Conséquemment, vous avez dû en avoir bien soin. Oh. Saurais reconnaître ça. Oh, merci. Où est-elle? Qui? Comment qui? Ma fille, crebleu. Votre fille? Ah, ça, est-ce que vous êtes sourd? Sourd? Ah, mais non, j'ai l'oreille d'un fin. J'entends voler une mouche dans la boutique, au point que nous avons remercié notre chien de garde. Nom d'une sabretage! Je ne vous demande pas de nouvelles de votre boutique, ni de votre chien! Non, mais je croyais que ça pouvait vous intéresser. 1 000 000 Non, vous fâchez pas. Elle va très bien. Ah, parbleu, si elle a mon tempérament, elle digérerait des baïonnettes. Mais je vous disais... Oui, j'ai entendu. Non, répond notre femme. Ah, c'est votre femme qui a la parole à présent. Oui, parce que moi, n'est pas... Parce que vous êtes une tourte. Oui, non... Taisez-vous. Crebleu. Riche créature. Vous avez dû être rudement bien, vous. Oh, mon général. Vous l'êtes encore et je m'y connais. Oui, on ne l'appelle plus que la belle madame Michu. Silence, l'homme. Alors, la mère, c'est vous qui donniez le sein? Dame. Oh, c'était pas moi, bien sûr. Lequel, droite, gauche? Tantôt l'un, tantôt l'autre. On en a deux, c'est pour s'en servir. Encore vous, mais allez-vous-en! Votre femme vous rejoindra tout à l'heure. Oh, mais quant à ça, je ne demande pas mieux. Oh, quelle chance, m'en va tirer. Oh, là, nous allons pouvoir causer tranquillement. Est-il à ce mot, cet animal-là? Maintenant, j'espère que vous allez m'expliquer comment il se fait que ma fille ne soit pas encore dans mes bras. Mon Dieu, je vais vous dire, mon général. Mmh. Oh, la pauvre petite, elle s'attendait si peu. Oh, il fallait bien donner le temps de se remettre. Vous voyez bien vous-même. Le fait est, je le disais tout à l'heure, rude émotion, on a beau avoir 17 ans de campagne, on sent quelque chose qui vous chatouille là-dedans, la poitrine. Enfin, en attendant, parlez-moi d'elle. Comment est-elle? Brune? Blonde? Il y en a qui diraient brune, d'autres qui diraient blonde. Entre les deux, alors. Ah, c'est ça, entre les deux. Oui. Et les yeux, noirs ou bleus? Entre les deux aussi, il y en a qui... Et l'autre que... Elle louche donc. Oh, non. Et le nez retroussé ou droit? Dame, un peu de chaque. Il y en a qui... Et l'autre... Elle a deux nez? Oh, non, je voulais dire... Ah, ça, est-ce que vous seriez aussi bête que votre mari? Oh, général... Ah, ma parole, il y a des teintes sur vous. Je vois qu'il faut que je me rende compte par moi-même. Allez me la chercher! Mais... Allez, 1 000 000 J'y vais, général, j'y vais. Un peu de patience. Alors, trouvez Michu. Un peu de patience. Il me semble que depuis une heure, ils ont mis la mienne à une assez rude épreuve. Je n'entends plus rien. Sortons de cette chambre. Une jeune fille. Le général. Oh, ce costume de pensionnaire. Mais c'est ma fille. Qu'est-ce que me disait donc cette Michu qu'elle allait aller chercher? Elle était là. Oh, pardon, je cherchais... Approche. Superbe. Tout mon portrait. Eh bien, j'attends. Quoi donc? Bah, tu le demandes. Quand nous nous retrouverons au bout de 17 ans, quand je t'ouvre mes bras, tu ne t'y précipites pas pour embrasser ton père. Mon père? Vous? Mais oui, tu es ma fille, Irène Désif. Je comprends, cette séparation, c'était moi. Eh bien, elle se trouve mal. Voilà l'effet que je lui produis. Bagnolet! Mon général. Un verre d'eau, vite, madame. Un verre d'eau? Mon général, vous boire de l'eau? Mais non, Clampin, pas pour moi. Un verre d'eau sucrée avec de la fleur d'oranger. Mais monsieur, comme mon général, je sais pas comment ça se fait, moi, cette tisane-là. Animal, j'aurais plutôt fait y aller moi-même. Allons, allons, file devant, allons, file. Mais mon général, ne demande pas là, mon général. Veux-tu filer? Viens, mon général. Irène des Ifs, moi. Oh, que va dire ma pauvre Marie-Blanche quand elle apprendra? Et papa et maman Michu? Il faudra donc les quitter? Oh, c'est affreux. Oh, mon Dieu, il va revenir. Je ne veux pas qu'il me voie pleurer. Rentrons bien vite dans la chambre où j'étais tout à l'heure. Oh, je m'ennuie toute seule là-dedans, moi. Personne? Où je puis me risquer? Oh, quelqu'un! Oh, c'est le général! Voilà le verre d'eau. Eh bien, où est-elle? Ah, la voici. Et debout? À la bonne heure! M'en a-t-il fichu une secousse? Je ne suis pas habitué à soigner les fillettes qui s'évanouissent, moi. Il a l'air bon enfant, le grognard. Eh bien, ça va mieux, ma petite? Ben, ça va pas mal, je vous remercie. Bah, c'est curieux, elle avait paru un peu... ou un peu moins épuis les cheveux. Bah, c'est sans doute l'émotion. Je suis si troublé. Après 17 ans, on le serait à moins. Approche-toi encore. Il me tutoie? Hein, il n'y a pas à dire, c'est tout, mon portrait. Hein, alors, je ne te fais pas peur? Peur, vous? Ah, ben alors, au contraire, vous m'allez plutôt. Et vous avez l'air d'un bon zig. Un bon zig? Ben, elle est gaie. Tout mon caractère. Écoute, tu viens de m'appeler un bon zig. Ça me va. J'aime cette rondeur militaire. Seulement, tu me dis vous et ça, ça me déplaît. Je veux que tu me dises tu, puisque tu es ma fille. Votre fille? Elle manque de mémoire. Mais certainement, voyons, Irène des Ifs. Irène des Ifs? Oh, mais je comprends. Hein, encore? Curieux, cet enfant-là se trouve mal chaque fois que je lui dis que je suis son père. Vite le verre d'eau, hein? Je l'ai bu tout à l'heure par distraction. Courons chercher un autre. Tiens, allons. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Oh, comment annoncer ça à ma pauvre Blanche Marie? Ah, la voici. Oh, Marie Blanche, si tu savais. Okay. les 1 000 000 000 de sa bretage. Ai-je dont l'air si déconfit, ai-je l'aspect d'une ganache? Ai-je l'ami de d'un lourdeau, d'un imbécile ou d'une bête, d'un ben et d'un âne, d'un saut pour qu'on se paye ainsi ma tête? Que ma fille a les cheveux blonds ou bruns ou bleus ou verts ou rouges? Quelle est les yeux carrés ou ronds, le nez en haut, le nez en dessous? Je m'en fiche autant que de vous. Ce que je sais de positif, c'est que je n'ai pas fait une pour qu'elle reste dans la lune. Et dès que j'affirme soit là, il m'en faut une sans cela de vous et de votre fourniment. J'en fais de la soupe au régiment. J'aurais crevé plus d'un cheval afin de contenter ma flamme. Elle me saurait donner le mal d'offrir un enfant à ma femme. Canada, abolition de son devoir faisant litière, mais le l'avoine avec le son, la paysanne et l'héritière. Que ma fille ait tous les appâts, que le soit l'aide à faire peur. Quelle est les jambes sans combat, quelle est la verbe d'un sapeur, tout ça ne me regarde pas. C'est que j'achète de positif, c'est que je n'ai pas fait d'unif pour qu'elle reste dans la lune. Et dès que j'aperçois là, il m'en faut une sans cela de vous être profondément. J'en fais de la soupe, régiment. Hein? Elles sont deux à présent? Bah, est-ce que j'ai la verlue? Je suis pourtant bien sûr que la marquise et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bagnolet? Mon général. Pourquoi l'as-tu amené d'eux? Mais ce n'est pas moi, mon général, c'est les émichus. Ils tiennent toujours absolument à compliquer, ces gens-là. Mais je vais les appeler pour qu'ils s'expliquent. Ohé, les émichus, avancez à l'ordre. Oui, voilà. Ah ça, vous fichez de moi, les michus. Oh non. Et quelle est ma fille de ces deux-là? Choisissez. Hein? Comment que je choisisse? Est-ce que je sais, moi? Moi non plus, non. Oh, qu'est-ce que vous me chantez? Mais c'est la vérité, mon général. Oui, c'est rapport au bain. Encore le bain? Oui. Au bain, quel bain? À propos de quoi me parlez-vous donc de bain? Eh bien, justement, à propos de ça. Mais, bah, une supposition, qu'on nous mette tous les deux dans le même bain, vous et moi et vous. Bah, vous dites... Mais, il veut prendre un bain avec le général? Non, oh. Bah, c'est une supposition. Alors, en sortant de là, on nous distinguerait parfaitement tous les deux, pas vrai? Il me semble, un clampin, votre espèce. Oui, mais deux enfants, deux tout petits enfants. Deux chérubins d'amour, vous tiendrez dans le creux de la main. Allez donc, vous y reconnaître. Oh, parbleu, si ça avait été un garçon ou une fille... Tonnerre de... Vous avez confondu ma fille avec la vôtre. Voilà, vous êtes en plein. Oh, je comprends la manigance. 1 000 000 000, ainsi, par votre stupidité, me voilà exposé à n'avoir plus de fille du tout, ou à prendre pour la mienne celle d'un rustre, d'un manant, d'un malotru. Oh, arrangez-vous comme vous pourrez, mais ça ne sera pas. Je vous donne une demi-heure pour dénouer la chose. Et si, dans une demi-heure, vous ne m'avez pas désigné une, la vraie, Garourata, je vous apprendrai, moi, à confondre les matricules. Ah, vous avez entendu, les émichés, hein? Vous avez entendu le général? Ça ne ratera pas. Je vous apprendrai, moi, à confondre les matricules. Oh, comme il va, comme il va. Lui donner une de nos deux enfants par hasard. Je veux savoir si ce ne serait pas justement la nôtre. Oh, mais non. C'est que je ne veux pas les quitter, moi, mes deux petites michus. Mais nous non plus, nous ne voulons pas être séparés de vous. N'est-ce pas, Marie-Blanche? Oh, je te crois. Mais il serait pas blanc, général, si ça visait de s'en prendre à moi. 1 000 000 000, je te le mettrai à l'alignement et ferme. Ah, la bonne heure. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais c'est bien simple. Il faut filer tous les quatre et puis nous réfugier à l'étranger. Oui, c'est ça. Oui. Du côté de Saint-Mandé, tiens. Oh oui, partons vite. C'est ça, allons-y. Oh, hop, non, pas ensemble. Non. Vos uniformes de pensionnaires attireraient l'attention. Je vais courir à la maison chercher des manteaux et de l'argent. Oui. Toi, Michu, tu vas te procurer une voiture. C'est allons ça, vite, c'est allons ça, je vite. Cours. Ah, allons-y, mes petits enfants. Attendez-nous ici. Ah, eh bien, ça fait du bien d'avoir pris une résolution virile. Oui, mais je pense à une chose, Marie-Blanche. Laquelle? Il y en a une de nous deux tout de même qui est la fille du général. Il y en a donc une qui va abandonner son père. Et c'est peut-être mal. Mais heureusement que nous ne savons pas laquelle c'est. Alors la responsabilité est moins grande. C'est égal, je n'ai pas la conscience très rassurée. Ben, eh bien, écoute, pour nous mettre en règle avec ta conscience, si nous invoquions le bon Saint-Nicolas, le protecteur de tous les enfants... Oh, tu as raison, invoquons-le. Thank you. tranquille, Blanche-Marie. Un peu, Marie-Blanche. Oh, mais qu'est-ce qui arrive là? En voilà une surprise. Le capitaine de ce matin. Le capitaine Gaston Rigaud. Mais est-il possible, les petites Michues? Nous-mêmes. Et par quel hasard, et que faites-vous ici? Mais nous pourrions vous adresser la même question. Moi, ma présence est toute naturelle, je suis chez mon général. Oh, le général Désy? J'ai l'honneur de servir sous ses ordres, oui. Oh, alors je comprends. Et puis, il y a encore une autre raison, je viens pour être présenté à ma fiancée. Il va se marier. Oh, c'est vrai, ce qu'il disait ce matin. Oh, mon Dieu. Et le nom de votre fiancée? Mademoiselle Irène. C'est la fille du général. Elle-même, qu'on se le dise. Hélas, quel contretemps fatal. Mais d'où vient donc cette surprise? C'est la fille du général. C'est la fille du général. Plus heureuse que moi, peut-être la connaissez-vous? Répondez. Peut-être assez pour vous permettre de vous dire ce cas. Calmez donc mon impatience. Ici, faites-moi son portrait. Une de nous, en conséquence, lui ressemble, mais très pour trait. Même cheveux, même figure, même taille, même tournure, même façon de s'habiller, le sourire de m'habiller. Que vous-même, je le déclare. Lorsque vous serez son époux, son époux, son époux, son époux. Lorsque vous serez son époux, ne confondrez encore avec l'une de nous. Parmi les propres termes enchantes, vous me direz de tout est périlleux. Il m'a suffi de vous voir toutes deux. Charmante. Pardon, j'abuse en ce moment, mais le hasard serait coupable. Son caractère, il est charmant. L'une de nous, c'est incroyable. A le même précisément, même douceur et modestie, même entrain dans la répartie. Même amour pour la vérité, même jugement, même gaieté. À ce point, la chose est bizarre, que vous-même, je le déclare. Lorsque vous serez son époux, son époux, son époux, son époux. Lorsque vous serez son époux, la confondrez encore avec l'une de nous. Pareil épouse et moi bien suprême. Toutes deux, pour être sûr à présent que je l'aime. Mais je vous demande pardon, mon général m'attend sans doute. Mesdemoiselles. Capitaine. Thank you. Blanche-Marie. Mais la même chose que toi, sans doute. Mais tu as invoqué Saint-Nicolas. Comme tu l'as invoqué toi-même. Tu aimes donc le capitaine. Mais tu l'aimes bien, toi. Mais moi, c'est différent, c'est le coup de foudre. Et moi, c'est l'étincelle. Mais il ne peut pourtant pas nous épouser toutes les deux. Évidemment, il faudra bien qu'il se décide à prendre l'une ou l'autre. Oh, et si ça allait être toi? Je serais bien malheureux. On vit bien malheureux. Oh, rassure-toi, petite sœur. Je ne l'aime pas. Bien vrai? Oui, bien vrai. Je ne l'aime plus. Nous voilà, mes enfants, en route. Oh, c'est inutile, maman Michu. Nous n'avons plus besoin de nous sauver. Marie-Blanche se décide à rester. Tu serais pour un général? Oh! Non, ce n'est pas pour le général. C'est pour un bel officier qui doit épouser la fille du général. La fille du général? Mais ça ne m'empêchera pas de vous aimer toujours, allez. Oh, la bonne heure, tu m'ôtes un poids. J'aime mieux que ce soit pour de l'amour que de l'ingratitude. Oh, moi aussi. Oh, attention, là, le général pour le képique. La demi-heure est écoulée. J'attends. Ah non! Mon père, embrassez-moi. C'est moi qui suis votre fille. Le bon Zig, ça me va. Alors, je vais appeler mon futur gendre. Seulement, pas un mot. Je veux voir s'il sera aussi malin que moi et s'il devinera. Capitaine Rigaud, votre fiancé. Capitaine, approchez, fasse connaître le trésor qui vous est échu. Regardez, dites-nous, qui ça peut-il bien être? Et quoi les petites Michues? Et quoi les petites Michues? Capitaine, il s'agit de vous y reconnaître. L'une est des Sifs, l'autre est Michu. À vous de désigner laquelle. L'occasion est solennelle, l'une est des ifs, l'autre est Michu. Surtout pas de malentendu, surtout pas de malentendu. L'une est des ifs, l'autre est Michu, à vous de deviner laquelle. L'occasion est solennelle, l'une est des ifs, l'autre est Michu. Surtout pas de malentendu, surtout pas de malentendu. Je n'admets pas qu'un soldat tergiverse. Interrogez votre cœur. Et tâchez que résolument s'exerce votre flair de connaissance. Mon général, l'épreuve est bien embarrassante. Et je dois m'avouer inhabile à ce jeu. Car Salomon lui-même y perdrait son épreuve s'il devait décider laquelle est plus charmante. Je suis émue. Eh bien, mon général, je n'en sais rien. Adieu, ça se voit pourtant bien. Toi, Marie-Blanche. Et non, Irène. J'en pleure comme une fontaine. Moi, j'en ai l'œil tout humecté. Mon bonheur se décide, mon cœur de joie est transporté. À l'aube sort en jeté, je serai Madame Aristide. Mesdames et messieurs, je vous présente. Thank you. temps de la ligne en amont, du temps de la ligne en amont. Oh, enfin, quelque chose qui te range tout en étant vrai comme il faut, vrai comme il faut. Bien revite, on voit de quelle souche sort la fillette, me voilà. Et j'ai le nez, les yeux et la bouche du général, mon cher papa. C'est pavanant comme une souveraine et séduisant les plus rétifs. Sur son passage, avec ses airs de reine, elle tient tous les cœurs captifs. Amérique, mademoiselle Irène, mademoiselle Irène, Irène désir. Amérique, mademoiselle Irène, admirez tous mademoiselle Irène désir. C'est pavanant comme une souveraine et séduisant tous les cœurs captifs. J'aurai des succès de salon, j'aurai des succès de salon. Je veux que l'on cite à la ronde mon nom parmi les plus grands noms, les plus grands noms. Je ne suis pas plus mal, je pense, que toutes les beautés du jour. Et je prétends que l'on m'encense à la ville comme à la cour. C'est pavanant comme une souveraine et séduisant les plus rétifs. Sur son passage avec ses airs de reine,